Are you ready? Rapidance 36. Les amis, bienvenue dans cette année 2020 avec moi-même Ismaël, puisque tout de suite, vous l'entendez, c'est effectivement la première émission de cette nouvelle année qui commence avec Happy Dance 35, l'émission qui vous fera découvrir chaque semaine en 2020, eh bien le meilleur de la musique EDM. Et ça tombe bien, c'est pendant 2 heures, présenté par moi-même Ismaël, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, eh bien chaque semaine. Bien évidemment, je vous souhaite la bonne année et la bonne santé et tout ce qui va avec. Mais bon, on n'est pas là pour parler bonne année, bonne santé et résolution. Non, on est là pour parler musique et musique EDM. Et ça tombe bien puisque les 3 premiers titres que l'on écoutera, eh bien ça sera en 33ème position les Chainsmokers avec Blink 182 sur I Hope You're Happy. On aura aussi en 34ème position Jack Jones avec Elle Anderson. Et dès à présent, ce que l'on découvre, ça s'appelle Blue comme la couleur bleue. Et c'est Tiesto en featuring avec Steve Appleton. Allez, bonne écoute, c'est Happy Dance 35. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 35. Feeling blue without you. Give me one more chance. Give me one more dance. I'm feeling blue without you. Tell me who am I to hold you down. Just feeling blue without you. Give me one more chance. Give me one more dance. I'm feeling blue without you. And I could never get numéro 33. Les amis, à l'instant, c'était pour la première fois joué dans cette nouvelle saison d'Happy Dance 35. Eh bien, trois superbes tubes, à savoir Tiesto et Steve Appleton sur Blue. On a eu ensuite Jack Jones et Ella Anderson avec This Is Real. Et à l'instant, c'était Let's Change Maker en featuring avec Blink 182 sur PS. I hope you're happy. Et j'espère aussi que vous êtes heureux, bien évidemment. Allez, on continue avec de la musique que vous connaissez. L'année dernière, je vous l'avais joué ce son dans le top 35. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle était encore 13e. C'est Grease et les Substronics sur Greasetronics. Ça sera suivi juste après de One Night de MK et Wanted de NOTD. Hit numéro 32. What's up? I just got one thing left to do. Okay. And this is it, just right here. Oh shit. We can't get enough. We can't get enough. DJ, run that track there. Ooh, this should be hitting different. Oh. Oh, numéro 30. Et voilà à l'instant, c'était une superbe chanson de NOTD et Daya sur Wanted, classée numéro 30 cette semaine. On continue de Rapid Dance 35 avec tout de suite Hold On de Martin Garrix, suivi de Kamel Fat avec Rabbit Hole et Louise The Child with Drew Love avec Free. Hit numéro 29. Afraid you've lost it all, unsure of what the future holds, and now I can hear your call tonight. Too late to turn back now, and you'll be safe and sound. I know that we'll make it through the night. I try every river in your eyes. We'll be right back. side, I know it's time to leave the pain behind. There's a place where we can grow from now until we're gray and old. I know the love we long for we will find. I'll try. She blamed me for running in and taking her heart away. I said I blame her for making me believe her lies. you could wake up one day and just walk away. You didn't even try to call to apologize. And we're building up these walls just to watch them fall. The Child avec Drew Love sur cette très belle chanson Free qui effectivement parle bien d'être libre et de se libérer. Alors à ne pas confondre, hein, ce n'est pas une chanson dédiée à la Reine des Neiges ou encore à la Reine des Neiges 2 qui est sortie l'année dernière, hein, je n'en parlerai pas. On n'est pas là pour ça puisque ce n'est pas de la musique EDM bien évidemment. Alors pas de libérer délivrer s'il vous plaît messieurs dames. En attendant, eh ben, ça fait un petit peu plus d'une demi-heure que nous sommes ensemble, c'est toujours Ismaël avec vous. Et bien dans cette émission Happy Dance 35, on va tout de suite reprendre avec plus de musique puisque tout à l'heure, eh bien, vous allez reconnaître ce son, on l'a déjà écouté dans la saison 2019, c'est Tiësto et Mabel sur God is a Dancer qui arrive en 23ème place. On aura aussi une chanson encore une autre fois déjà entendue dans les saisons passées avec Need Your Love de Griffin et les Seven Lions ainsi que Noah Kahan en numéro 24. Et puis On My Mind, Diplo et Side Piece arrivera juste après cette chanson qui s'appelle The Worst In Me de Kate Ranada en featuring avec Tinashe. 2 heures de meilleure hit musical dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 26. Thank you. Every time I fight with scream all night, I know it guys ain't how it's supposed to be. At least I feel something. I want your love, but I'm the worst in me. For me, for me, for me, for me, for me. This ain't how it's supposed to be. For me, for me. It's finally peace of mind. Dancing in those memories. Living a lie. Never would've thought it'd come to this. Always just one time with one little kiss. Can't believe that I let you in. Once again and again and again. Oh, no, no. Every time I I hate every part. Et voilà, là, les amis, à l'instant, on vient d'écouter la chanson numéro 24 cette semaine. C'était Need Your Love avec Griffin, les Seven Lions et Noah Kahan. On continue tout de suite avec God is a Dancer, comme annoncé précédemment. C'est un single signé de Tiesto et Mabel. Et juste après, il y aura Rushing Back de Flume et Vera Blue, suivi de I Love You de Sofia Carson et Rehab. Hit numéro 23. God is a dancer, yeah, I heard on the radio that she always go harder, cause she keeping you on your toes, and she's perfectly focused, she's lost in the moment, ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. Are you feeling that fire, cause the music is on the way, if you wanna be higher, wanna move till the break of day. On the floor, but I hear everything telling me

dale, dale. Vamos a tocar el cielo con las manos. Vamos a olvidar esta noche todo. Les amis, à l'instant, c'était un gros single. Je suis sûr que vous vous en souvenez si vous aviez déjà écouté eh bien, une émission d'Happy Dance 35. C'était Griffin en featuring avec Maya Wright sur Bodyback en 19e place. Et à la 20e, tout à l'heure, on a pu écouter Baila Conmigo de Jennifer Lopez. Toujours aussi bien classé et toujours aussi prenant. Et oui, vive la musique latino en version EDM. Alors en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait une heure que l'on est ensemble. C'est toujours Ismaël pour vous présenter eh bien, la suite de ce classement. On va avoir d'ici quelques minutes, attention, In Your Arms, Illenium avec X Ambassadors, on aura aussi Purple Hat, et puis tout de suite, ce qui arrive, c'est Used to Love de Martin Garrix et Dean Lewis. Allez, bienvenue dans Happy Dance 35 pour la saison 2020, les amis. Avec Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Numéro 17. Never seen Mona Lisa close, but I seen perfection under your clothes. Yeah, we fell in love and we built a home, though we may never see the streets of Rome. And I hope it's so Pull, pull, pull, pull.

You like to drink and to smoke to take away the pain. And I don't remember all of my mistakes. And every high got low, no one thing. You're not alright, I'm not alright. C'est ce qu'on vient d'écouter, c'était I'm Not Alright de Lord Luxury avec Brice Vine. Je suis sûr que vous vous souvenez de ce groupe puisque eh bien, dans la saison dernière d'Happy Dance 35, on avait eu l'occasion de les écouter. Allez, tout de suite, on va quand même continuer avec les 14 prochains titres. Il y aura tout à l'heure en deuxième place Faith de Galantis et Dolly Parton en featuring avec Mr. Probs. On aura aussi Sam Smith avec son dernier single qui s'appelle I Feel Love. Et puis Turn Me On de Riton et Oliver Aldens avec Voilà, ça arrive tout de suite dans Happy Dance 35. Beat numéro 14. Living life all wrong, cause I thought I knew what love was, but my heart, it was made of stone. I was out there seeking after hours for money, looks and power, but all that glows and always gold. And just give me some love, cause I'm running out of that feeling. Some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Healing. Baby, turn me on, turn me on. Healing. Baby, turn me on, turn me on. Healing. You know just what I need. Numéro 13. C'est maintenant dans Happy Dance 35. Beat numéro 12. No, the road gets hard, and you just wanna leave. I ain't never too far. Just have a little faith in me. When all the fears you have, I'll be standing by your side. Just have a little faith in me. Have a little faith in me. Show me the

I'd survive my brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people, they would die for me. We run together, they're my family. When I get up, they gon' be high with me. I'll stay forever my family. Numéro 9. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the edge. Just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? Could you be the one to call when I lose control? Heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. C'est toujours Ismaël, les amis, avec vous dans Happy Dance 35. On vient d'écouter il y a quelques instants, eh bien, Lost Control de Medusa qui était numéro 9 cette semaine. On continue tout de suite avec le numéro 8, c'est Kekalor de Major Lazer, un son que vous connaissez bien et bien latino. Numéro 8. Pero se aprendió la canción.

4. Did I say something wrong? Did you hear what I was thinking? Did I talk way too long when I told you all my feelings that night? Is it you? Is it me? Did you find somebody better? Someone who isn't me? Cause I know that I was never your type. Never really your type. Overthinking's got me drinking, messing with my head. Sometimes good things fall apart. When you said it was real, guess I really did believe you. Did you fake how you feel when we walked down by the river that night? That night. That night when we fogged up the windows in your best friend's car, cause we couldn't leave the windows down in December. Sometimes good things fall apart. Overthinking's got me drinking, messing with my. Sometimes good things fall apart. Le top 3 des hits, c'est maintenant. Eh bien oui les amis, vous l'avez entendu, ça y est, nous entrons dans le top 3 des meilleurs hits de cette semaine, en tout cas en ce qui concerne eh bien, les musiques EDM. Alors qu'est-ce que je vous ai prévu dans ce top 3? Tout simplement un titre certifié 5 fois disque de platine aux USA, dont je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Un titre certifié disque d'or, aussi aux USA. Et puis surtout un autre titre, même pas certifié du tout, mais que vous connaissez très sûrement. Alors je sais pas si vous étiez là lors de notre dernier épisode de Happy Dance 35, mais effectivement le 30 novembre, lorsque je vous avais sorti le dernier épisode de la saison 2019, et bah le numéro 1 c'était Happier de Marshmello, effectivement pour la 66e consécutive semaine. On avait Ritmo des Black Eyed Peas en numéro 2, et en 3ème c'était Ready de DJ Regard que l'on a écouté tout à l'heure en numéro 6. Alors cette semaine, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est Higher Love que l'on va écouter tout de suite en numéro 3 avec Kygo et Whitney Houston, donc certifié disque d'or, ça fait 28 semaines qu'il est dans les charts. On aura ensuite en numéro 2, comme par hasard, Ritmo Bad Boys for Life des Black Eyed Peas avec J Balvin, bien évidemment là depuis 13 semaines et toujours numéro 2. Et puis le numéro 1 incontournable de la musique EDM en ce moment, et ce depuis 69 semaines, il est numéro 1, il est certifié 5 fois disque de platine, je parle bien du single de Marshmello et Bastille, c'est Happier, que l'on retrouvera juste après les deux chansons citées précédemment. Alors les amis, soyez prêts, puisque tout de suite, eh bien ce sont les 3 meilleures chansons EDM de cette semaine et du moment dans Happy Dance 35.

day. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Les amis, ça va faire 2 heures que nous sommes ensemble à l'instant. On vient d'écouter le single classé numéro 1 cette semaine dans le classement des 35 meilleurs tubes EDM. Je parle bien évidemment de Happier, single signé de Marshmello et Bastille. Single d'ailleurs classé depuis 69 semaines à la place de numéro 1 dans ce classement. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, certifié 5 fois disque de platine aux USA. Je peux vous dire que dans d'autres pays, il est certifié disque d'or, voire platine aussi. Et puis quand même, 73 semaines dans les charts, 69 semaines numéro 1. Pour vous dire qu'en un mois, il en a fait du taf pour arriver à la première place et y rester. Sur ce, on va pas se quitter tout de suite, nos chers amis et auditeurs et auditrices, puisqu'on a encore un single à s'écouter ensemble. Il nous reste un petit peu de temps, donc ce soir, je vais vous faire découvrir un single qui s'appelle Hot Stepper. C'est de John Gibbons. Peut-être que vous l'avez déjà écouté, mais en tout cas, il est parfait pour continuer de vous lancer dans le meilleur de la musique EDM, puisque je considère que c'est une très bonne musique. Alors, tout de suite, c'est John Gibbons, Hot Steppers, et puis les amis, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à mon Twitter, c'est HappyDance35EDM, vous tapez ça, vous allez me retrouver, ou même HappyDance35. Il y a aussi la page Facebook pour vous tenir informé, tout comme sur Twitter. Et puis si vous êtes encore plus motivé, sachez que le podcast de l'émission est disponible sur plusieurs plateformes, que ce soit Deezer, Spotify ou encore iTunes. Alors n'hésitez pas à checker encore une fois en écrivant HappyDance35. Allez, sur ce, on se laisse avec de la très bonne musique, c'est Hot Steppers de John Gibbons, et c'est la fin de HappyDance35. Allez, bisous à tous et à bientôt. avec Ismaël. Vous écoutez Happy Dance 35.